cède à l'attraction du montage cède aussi à la tentation du plan court. Comment ? En faisant du regard la pièce maîtresse de son jeu. Raccorder sur un regard, c'est presque la définition du montage, son ambition suprême en même temps que son assujettissement à la mise en scène. C'est en effet faire ressortir l'âme sous l'esprit, la passion derrière la machination, faire prévaloir le cœur sur l'intelligence, en détruisant la notion d'espace au profit de celle du temps. Savoir jusqu'où l'on peut faire durer une scène, c'est déjà du montage. De même que se soucier des raccords fait encore partie des problèmes du tournage. Un film génialement mis en scène donne l'impression d'un simple bout à bout, certes, mais un film génialement monté donne l'impression d'avoir supprimé toute mise en scène. Pourquoi tu ne veux plus qu'on fasse l'amour ? Très bien. Allons-y, mais vite. J'avais souvent pensé depuis quelque temps que Camille pouvait me quitter. J'y pensais comme à une catastrophe possible. Maintenant, j'étais en pleine catastrophe. Autrefois, tout se passait comme dans un nuage d'inconscience, de complicité ravie. Tout s'accomplissait avec une inadvertance rapide, folle, enchantée. Je me retrouvais dans les bras de Paul, sans presque me souvenir de ce qui s'était passé. Maintenant, cette inadvertance était totalement absente de la conduite de Camille et par conséquent de la mienne. Pourrais-je même, sous l'empire de l'excitation des sens, observer ses gestes d'un regard froid, comme elle, sans doute, pourrait à son tour regarder les miens? J'avais prononcé à dessein cette phrase avec un intime sentiment de vengeance. Elle semblait avoir conscience qu'à ce moment, un mensonge pouvait tout arranger, au moins pour quelque temps, au moins en apparence. Et un instant, elle avait eu visiblement la tentation de mentir, mais après réflexion, elle y avait renoncé. Bonjour Jean Nouvel. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Quelle image vous vient en tête lorsque vous entendez ce texte, puis cet extrait du film Le Mépris de Jean-Luc Godard ? J'ai l'image de Piccoli et de Brigitte Bardot. De Brigitte qui est allongée sur la terrasse, l'image du mur qui est au milieu et de la façon dont on contourne, et la mer qui est autour, évidemment. Et donc ce plan sur le soleil et sur la présence-absence de la Casa Malaparte. Vous avez qualifié le travail de l'architecte comme étant identique à celui du réalisateur de cinéma. En quel sens ? Écoutez, il y a une seule chose qui nous manque, c'est le montage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas intervertir les séquences comme ça. Mais effectivement, de plus en plus, le cinéma a une très forte influence sur l'architecture. C'est-à-dire qu'on pense le bâtiment en plan séquence, en fait. On rentre, on suit un chemin, on monte quelque part, on change d'espace, on change de lumière, mais c'est pas conçu comme des plans successifs qui seraient sans relation, ce qui était le cas dans l'architecture traditionnelle souvent quand même. Même s'il y avait un certain ordonnancement, les choses étaient conçues quand même de façon totalement unitaire. Ici, il y a la notion de temps, la notion de traversée de l'architecture et des différentes séquences qui sont à l'origine même du projet. De la même façon, il y a évidemment tous les jeux sur le cadrage, tous les jeux sur la profondeur de champ, cette conscience du temps et de la lumière qui a été accentuée pour le cinéma. Où est le temps dans l'architecture ? L'espace, on voit bien, mais le rapport au temps se figure comment ? Le rapport au temps, c'est déjà le rapport au fait de parcourir une architecture. Une architecture, ça se marche. Pour connaître une architecture, il n'y a pas d'autre solution. Même le cinéma n'arrive pas à en rendre compte. La notion d'échelle, la notion de présence est absolument irréductible. Donc l'architecture est un art qu'il faut aller marcher, qu'il faut aller toucher, sinon ça ne marche pas. Vous dites « j'aime le film qui me fait oublier la caméra comme j'aime l'architecture qui me fait oublier les moyens constructifs ». C'est vrai ça. Mais ça, c'est nouveau. Alors ça, c'était en 2001, figurez-vous, oui, dans le catalogue de l'exposition. C'est nouveau, je veux dire, c'est nouveau historiquement. C'est-à-dire qu'on est passé d'une époque où la vérité des matériaux était telle qu'il fallait absolument la révéler, à une époque après où la nature de la technique était tellement séduisante qu'il fallait absolument la montrer, avec un pic, je dirais, sur le high-tech, où on voyait chaque boulon, chaque... Bon, et puis maintenant, on est arrivé à une esthétique que j'appelais esthétique du miracle, c'est-à-dire ce qui nous intéresse, c'est le résultat, c'est pas la façon d'y arriver. Donc il y a maintenant de plus en plus de bâtiments où on se demande comment ça tient. Pas pour inquiéter les gens, mais simplement pour avoir uniquement en tête l'émotion qui est liée à la conception du bâtiment et à sa situation. Je ne crois qu'à l'architecture de situation, ce qui nous permet de créer des cadrages beaucoup plus larges, des grands porte-à-faux, et d'oublier avec les matériaux de plus en plus grands dans leur module aussi, de plus en plus transparents. Le verre a fait des progrès absolument colossaux. Donc il y a une présence-absence des matériaux aussi, et des bâtiments d'ailleurs à certains moments. Donc on joue avec tout ça pour avoir exactement ce que l'on imagine d'idéal par rapport au site où on est, par rapport à la fonction, et par rapport au plaisir d'être dedans. C'est une affaire d'idéal ? Bien sûr. Parce qu'il y a peu de choses aussi terrestres que l'architecture, on est dans la matière. Oui, on est dans la matière, mais justement, on se détache un peu de la matière. C'est-à-dire que, bon, j'ai quand même travaillé sur des notions qui sont celles, en particulier, de la transapparence, mot inventé dans une conversation avec Paul Virilio, avec la Tour sans fin à l'époque, donc qui était ce gratte-ciel à la Défense de 425 mètres de haut, qui commençait dans un cratère à 25 mètres de profondeur, donc on ne voyait pas où il commençait. Et qui se terminait à 425 mètres plus haut, avec un belvédère qui était isolé au milieu d'un cylindre de verre, et on ne voyait pas la fin du bâtiment. Donc sans fin, avec un S, et une dématérialisation ascensionnelle, c'est-à-dire qu'il y avait la masse en bas, et petit à petit, ça devenait de plus en plus dématériel, de plus en plus transparent. Malheureusement, ce projet s'est arrêté brutalement, comme ça arrive quelquefois avec les grands projets, mais il est resté dans l'imaginaire du monde de l'architecture. Mais il y a un paradoxe à vouloir faire de son métier celui d'architecte, c'est-à-dire celui qui va s'emparer de la matière pour produire quelque chose, si le but est de s'élever hors de cette matière. Vous voyez ce que je veux dire ? L'architecte compose avec la matière. Si c'est l'idéal, l'esprit qui vous intéresse, alors pourquoi ne pas faire un métier purement de conception ? L'architecture n'existe que si elle est construite. Je refuse d'être un architecte de papier, et pourtant, je suis de plus en plus un architecte de papier, parce que j'ai fait tellement de projets qui n'ont pas été construits, que finalement, et la Tour sans fin est un exemple. Mais ce qui fait l'architecture, c'est sa réalité. C'est sa construction. C'est sa présence. C'est qu'elle soit quelque part, et non nulle part, ce qui est souvent le cas aujourd'hui, et qu'elle soit quelque chose, et pas toujours le même... par l'épipède qui répétait. Ça, c'est l'architecture. L'architecture a un dedans et un dehors. Et il faut qu'on la pénètre, il faut qu'on s'y promène, il faut comprendre tout le rapport qu'il y a entre l'intérieur et l'extérieur. Ça ne peut se faire que par un bâtiment construit. Ça veut dire que le métier d'architecte n'est pas simplement dans la conception. Vous avez dit de vous, je suis un fabricant de concepts. Ce qui intéresse beaucoup la philosophe. Oui, les concepts servent à construire. Mais l'architecture, ça doit être construit. Ça doit se construire. C'est pas que du côté du dessin. Non, mais ça commence comme ça. C'est qu'un début, le dessin. Ben, c'est qu'un début, c'est qu'une matrice, c'est une programmation. On pourrait imaginer une architecture qui n'a pas de dessin. C'est arrivé déjà. Des autoconstructions qui partent comme ça, avec la matière, et qui s'inventent au fur et à mesure. Parmi les bâtiments que vous avez construits, alors la liste est longue, je vais en citer quelques-uns, il y a l'Institut du Monde Arabe, la Fondation Cartier, le Musée du Quai Branly, la Philharmonie, ça c'est à Paris, il y a le Louvre d'Abu Dhabi, le Musée National du Qatar à Doha, les Tours du Haut par exemple, qui sont en construction dans le 13e arrondissement de Paris. Quel est le point commun entre ces bâtiments ? Est-ce que vous arrivez à définir ce qui leur ressemble, hormis le fait qu'ils aient été imaginés par vous et votre équipe ? Il n'y a pas de point commun entre les bâtiments, si ce n'est ma présence et ma philosophie. C'est-à-dire que je ne crois qu'à une architecture de situation, et je crois qu'une architecture appartient à un lieu, appartient à quelqu'un qui la commande, appartient à ceux qui la construisent, appartient à ceux qui la vivent, et je ne pense pas qu'il puisse y avoir d'architecture répétée, clonée, parachutée. Mais beaucoup d'architectes se revendiqueraient de cette définition de leur métier, une architecture de situation. Or, il y a bien quelque chose qui fait que vos bâtiments sont les vôtres. Si vous appliquez ce que je dis là, d'ailleurs, j'ai une exposition qui est à Shanghai, qui a été fermée ces temps-ci d'ailleurs, qui est basée sur l'appartenance, comme ça, et où j'ai fait un dispositif, qui est une sorte de film, en fait, sur un écran de 25 mètres de long et de 8 mètres de haut. Sur cet écran vont défiler, en fait, près de 80 projets. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il suffit pas de montrer 5 ou 6 projets qui sont différents pour montrer que naturellement, l'architecture dépend d'une situation. Naturellement. Or, l'architecture du XXe siècle, en tous les cas, et toujours maintenant, a évolué un peu dans le sens du système artistique au niveau des arts plastiques et de la peinture, par exemple, ou de la sculpture. C'est-à-dire, pour devenir un grand artiste du XXe siècle, il fallait s'approprier un champ formel. Une fois que ce champ était identifié, c'était bon, vous êtes un grand artiste, vous êtes un grand architecte. Nous, on n'est pas dans un musée, on n'est pas dans des white cubes, on n'est pas... Bon, donc si on arrive quelque part, si on travaille pour quelqu'un, et si on s'inscrit par rapport à une géographie, par rapport à une culture, etc., ça ne donnera jamais le même bâtiment. Si vous changez un seul des paramètres, à 5 ans ou 10 ans de différence, même si vous recommencez avec le même programme, ça ne sera pas la même chose. Donc chaque bâtiment est lié à ce contexte, est lié à cette appartenance à l'époque, à cette appartenance à la géographie, à cette appartenance à la culture du lieu, à cette appartenance au désir du client, etc. Le bâtiment construit est le reflet d'une époque ? Ah, totalement. Totalement. Il est le reflet d'une époque à ce moment-là, à cet endroit-là. Les généralisations ont fait beaucoup de mal quand même. Je ne sais pas si dans la philosophie on s'en rend compte, mais chez nous, en tous les cas, c'est clair. C'est-à-dire généraliser... Ça veut dire quoi ? On cherche à chaque fois le dénominateur commun. Ça nous amène loin, ça. Par exemple, si on prend l'Institut du Monde Arabe, dans quelle mesure est-ce que ce bâtiment-là était le reflet de l'époque ? Donc construit entre 1980 et 1987. Justement, c'était le reflet de l'époque en ce sens qu'il témoignait d'une autre façon d'approcher l'architecture en tant qu'écriture et en tant qu'attitude, puisque c'est 10 ans après Pompidou. Vous voyez qu'on ne voit pas chez moi... une seule vis où on ne voit pas de tuyaux, on voit pas, tout est capoté, tout est en fait le bâtiment aussi prend la forme exacte de qu'il doit avoir par rapport à l'université, il prend la courbe de la Seine, il prend les altimétries qui sont autour, il parle en symbolique directe de la culture arabe à laquelle il rend hommage. Bon, et il développe des thèmes qui visiblement ne sont pas les mêmes que ceux qui se développaient avant. Donc c'est pas un produit d'architecture moderne au sens orthodoxe du terme, c'est le produit d'une évolution, appelons-la postmoderne si on veut, mais elle n'est pas très postmoderne non plus, parce que la postmodernité en architecture, c'est pas celle de Lyotard, c'en est une autre. Donc c'est uniquement une sorte de caricature des modèles architecturaux de la Renaissance ou autre chose. Donc c'est pas ça non plus, vous voyez. Donc l'Institut du Monde Arabe, il ne peut être que là. Si on change un seul paramètre, le bâtiment ne veut plus rien dire. Il ouvrait en plus une perspective sur le jardin des plantes et rééquilibrer toute l'université, mais malheureusement tout ça a été foutu en l'air. Bon, en fait c'est ça, si la face sud du bâtiment est une expression contemporaine de la culture orientale, dites-vous, avec les diaphragmes, la face nord est un miroir littéral de la culture occidentale. Et on retrouve des reproductions du paysage parisien environnant qui ont été émaillées sur la surface extérieure du verre. C'est votre description. Ben oui, je n'ai plus rien à dire. Alors, puisqu'on est à l'Institut du Monde Arabe, je vous propose qu'on y reste et qu'on aille sur le toit, puisqu'en 1988, vous avez fait une émission, c'était déjà pour France Culture, ça s'appelait Le Bon Plaisir, en compagnie de Jean Baudrillard, que voici. D'accord. Peut-être tous les monuments aujourd'hui sont des monuments à suspense, enfin les tiens aussi, enfin les monuments, les édifices, quoi. D'ailleurs, je pense aussi que c'est des objets, hein, un peu, on avait parlé déjà des objets comme ça. Objets, bon, une apparition finalement aussi. Hein. C'est, il y a une conception, il y a une réalisation, etc. Mais il y a une apparition de la chose. Hein. La stratégie fatale, c'est un petit peu le moment d'apparition et de disparition de quelque chose. Alors c'est un suspense. Et d'ailleurs, une chose m'avait frappé, c'est que tous les édifices aujourd'hui, mais les tiens aussi, et celui-ci particulièrement, ce sont des objets photographiques aussi. Ils ont été tellement photographiés et ils se prêtent exactement à la photographie. Hein. C'est-à-dire, c'est des édifices en dur, bon. Qui sacralise un espace quand même, mais en même temps, il participe de ce suspense d'apparition, etc., de la photographie, hein, c'est-à-dire d'une éphémérité quand même aussi. Ils sont faits aussi pour avoir ce visage-là, non ? Oui, et puis il y a des hasards. Oui, bien entendu. Il y a un hasard, moi, qui est aussi dans la conception. Ça, c'est une énigme, enfin, pour quelqu'un qui écrit, que quelqu'un qui construit. Parce que on imagine qu'il doit quand même y avoir une architecture mentale préalable, tu vois, pour construire. Alors que dans un livre, pour moi, non. C'est beaucoup plus aléatoire. C'est beaucoup plus. non, c'est vrai. Oui. Il y a, à la limite, il n'y a pas de stratégie. Il y a beaucoup plus d'aléas que de stratégie. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons d'architecture cette semaine en compagnie aujourd'hui de l'architecte Jean Nouvel. Quel rôle Jean Baudrillard a-t-il joué pour vous, Jean Nouvel ? Jean Baudrillard, ça a été pour moi quelqu'un de très important. Quelqu'un que j'ai connu à travers Hubert Tonka, qui est un philosophe à sa façon, un éditeur, et qui était un grand ami de Jean. On a travaillé ensemble sur certains projets. C'était pour moi quelqu'un de très important au plan de la relation, je dirais, de l'idée d'architecture à sa formalisation, justement. Avec lui, d'ailleurs, on a écrit, à travers un double dialogue, ce livre sur les objets singuliers. Les objets singuliers, architecture et philosophie, disponible chez Kalman Levy. Voilà, ouais. qui est un réquisitoire contre l'architecture clonée, contre l'architecture répétitive de l'époque et qui est toujours d'actualité. Hein. Il est plus d'actualité que jamais. Je vous le confirme, je l'ai sous les yeux. Une discussion sur les grands sujets, je dirais, sur le rapport de l'architecture au monde, c'était quand même le personnage idéal pour cela. Ça veut dire que, et vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez une philosophie. Quel rôle joue cette philosophie, cette conception philosophique dans votre travail ? Mais ce sont des convictions. Ce sont des convictions tout à fait arrêtées, qui ont un peu bougé avec le temps, mais pas trop quand même. C'est-à-dire que j'ai été en fait totalement traumatisé quand je suis entré à l'École des Beaux-Arts pour la première fois d'ailleurs. Parce que je suis arrivé à l'époque où le style international était à la grande mode, venait juste, je dirais, de prendre le dessus, je dirais, à l'École des Beaux-Arts par rapport à l'architecture européenne. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'on nous faisait faire des projets qui n'étaient pas situés, on ne savait pas où c'était, et que tous les bâtiments qui se faisaient là, on pouvait effectivement les faire n'importe où, ça portait bien son nom, style international. C'est d'ailleurs ce qui s'est développé de la façon la plus nette. Et pour moi, c'était une horreur. C'était déjà une horreur. C'est-à-dire, je comprenais bien que tout ça n'allait pas améliorer nos paysages, n'allait pas améliorer nos villes, que tout ça était une déconnexion totale. Et donc, dès ce moment-là, j'ai essayé de résister par rapport à ça. Alors après, je suis allé chez Claude Parent, qui m'a permis effectivement dans les années 60, d'éviter, je dirais, tout le bordel des Beaux-Arts à l'époque, et tout un long enseignement qui était très très pénible aussi. J'étais avec Paul Virilio aussi là-dessus. Et donc tout ça m'a formé, je dirais, d'une façon un peu partout, ou m'a déformé d'une bonne façon, voilà. On va entendre justement, puisque vous citez aussi l'influence de ceux qui ont compté pour vous, avant d'entendre Paul Virilio, hein, qu'on va entendre dans un instant, voici Gilles Deleuze, à propos duquel vous dites qu'il explicitait des choses qui vous étaient familières, mais d'une manière beaucoup plus précise, évoluée et intelligente. Écoutons-le. Si la philosophie existe, c'est qu'elle a son propre contenu. Si nous demandons qu'est-ce que le contenu de la philosophie, il est tout simple. C'est que la philosophie est une discipline aussi créatrice, aussi inventive que toute autre discipline. La philosophie est une discipline qui consiste à créer ou à inventer des concepts. Et les concepts, ça n'existe pas tout fait. Et les concepts, ça n'existe pas dans une espèce de ciel où ils attendraient qu'un philosophe les saisisse. Les concepts, il faut les fabriquer. C'était le 17 mars 1987, cette idée de fabriquer des concepts, c'est l'expression que vous avez reprise à votre compte, Jean Nouvel. C'est exactement ce que j'ai essayé de faire en architecture. J'ai trouvé que sa définition du concept pouvait, par déplacement, s'appliquer à l'architecture totalement. Même si ça ne plaît pas beaucoup aux philosophes quand on dit ce genre de choses. Vous croyez ? Pourquoi ? Non, parce que je m'en suis rendu compte à l'époque. Non, j'étais accusé de détournement et de ne pas comprendre ce que Deleuze voulait dire, etc. Bon. Parce que vous employez le terme de concept pour votre travail ? Parce que j'employais le terme de concept et que je faisais le parallèle dans tous ces concepts. Je m'appuie aussi sur Foucault et sur le déplacement chez Foucault, sur le déplacement des idées d'un territoire à un autre, justement. Donc effectivement, cet apport culturel a pour moi été fort. Et ça m'a permis d'élargir le champ de l'architecture, puisque c'est ce qui m'a été dit pour le Pritzker, je peux le répéter. Parce que cette idée de fabriquer un concept est intéressante, ça veut dire que la fabrication commence avant la réalisation. Largement, oui, largement. Mais comment ça se passe? Vous arrivez à décrire le procédé? Vous avez d'abord une image, le bâtiment idéal dont vous parliez? C'est-à-dire que tout commence quand même par une analyse assez précise. Hein. D'ailleurs, je suis d'une époque structuraliste, moi, donc je ne peux pas me débarrasser de ça totalement. Donc il faut absolument ramasser toutes les informations. En architecture, c'est important, parce que si on en a oublié une, on fait un projet et puis on recommence. Une fois qu'on a réussi à avoir toutes ces informations, il faut inventer ce concept. Ce concept est en relation avec le programme, est en relation avec l'époque, avec la culture du lieu. Donc c'est quelque chose qui est clair, mais qui a un contour très légèrement indéfini selon Deleuze d'ailleurs. Mais on retrouve exactement les mêmes caractéristiques pour moi. Alors qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Quand j'ai tous ces paramètres-là, je passe à la formalisation. Et là, je me mets dans mon lit, tout simplement, avec un masque, avec des boules Kies, et j'attends que ça vienne, quoi. En gros. C'est-à-dire, ça peut durer des heures, ça peut durer plusieurs matinées, et à un moment, quelque chose vient. D'ailleurs, dans la dernière exposition, j'ai essayé de faire une chose assez osée, je dirais. C'est de fabriquer des émergences. Émergences, c'est en fait pas une maquette, mais juste les premières formalisations dont je me souviens par rapport à des projets importants pour moi. Mm-hmm. Qu'est-ce que la première image qui est arrivée dans le noir, dans le noir? Et vous arrivez à vous souvenir? Oui, tout à fait. Bah, si on prend le musée du Quai Branly. Si on prend le musée du Quai Branly, il vient d'abord avec, par le parallélisme de la Seine, la volonté d'avoir le bâtiment le plus bas par rapport à la Tour Eiffel, le fait d'intégrer tout un vocabulaire qui n'appartient pas au vocabulaire de l'architecture occidentale, et de couleurs qui sont liées aussi à tout le contenu. Si je fais une émergence que je n'ai pas fait sur le Quai Branly, ce sera des courbes qui reprendront la scène, ce sera le contraste avec la Tour Eiffel qui sera quand même là à côté, ce sera l'expression de ce que je viens de dire en quelques mots, voilà. Donc là, par rapport à ce que j'ai fait, je l'ai fait pour la Fondation Cartier, je l'ai fait pour la Tour Sans Fin, c'est fait dans des blocs de verre énormes, qui sont massifs, et qui pèsent 60-70 kilos à chaque fois. Et c'est attaqué par un laser, et on voit juste quelques petits traits comme ça, très très fragiles, qui correspondent à ces traits-là, qui sont sous-éclairés, et on voit une chose qui apparaît, en fait. C'est une apparition. Donc c'est une autre façon de faire des maquettes, voilà. Et cette apparition, c'est l'image qui vous vient en premier lorsque vous êtes dans votre lit, que vous réfléchissez à... C'est la première image que je peux mémoriser, et celle qui est le sujet d'une exaltation en général. C'est là où on se dit, je tiens quelque chose. L'exaltation est le signe d'une bonne idée. C'est plutôt le signe d'une bonne idée, normalement, puisqu'on a déjà réfléchi, donc c'est qu'on a trouvé la solution à un problème qui n'est pas simple, quand même, normalement. Ou on pense l'avoir trouvé, on peut se tromper des fois, mais c'est rare. Vous parlez de l'apparition, on peut l'entendre à un double sens, il y a une apparition quasiment mystique, voire religieuse, quelque chose qui n'était pas là et qui apparaît. Et puis il y a l'apparition, le contraire de la disparition, c'est ce que disait Baudrillard dans l'archive qu'on a entendu, comme si l'architecture devait renouer aussi avec sa dimension presque éphémère. C'est un bâtiment, on pense que c'est durable, mais ça ne fait que passer en un sens. Et le jeu que vous produisez avec la lumière, souvent dans vos bâtiments, rappelle ça. Oui, ben surtout un bâtiment, quand on l'imagine comme ça, on l'imagine pendant toute la durée de sa vie et de sa mort. Parce que l'architecture, il y a une mort du bâtiment ? Bien sûr, la vocation de l'architecture, c'est de se ruiner petit à petit. Hein, c'est-à-dire c'est de se défaire, c'est d'être abîmé par le temps, ou de s'améliorer avec le temps, avec la patine pendant un certain temps, et puis après ça devient autre chose. Mais en fait, on imagine toujours les stades intermédiaires, on imagine la ruine, quand c'est des bâtiments importants, quand c'est des bâtiments dont on se dit qu'ils peuvent passer les siècles et qu'on ne sait pas ce qu'ils viendront, on imagine ça aussi. Et faut-il intervenir dans cette ruine, ou est-ce qu'elle est inéluctable ? Faut-il apprendre à aimer les bâtiments, y compris quand ils sont en état de ruine, ou est-ce qu'il faut intervenir, réhabiliter, rénover? Ça, c'est encore une question différente qui est liée au patrimoine et au sens de ce bâtiment par rapport à l'histoire. Est-ce qu'il faut le garder, est-ce qu'il ne faut pas le garder, est-ce qu'on garde les traces ou pas? Ça, c'est à chaque fois un problème lié à chaque génération qui décide de ce qu'il fait du passé. Et vous avez bien un avis là-dessus. Vous qui donnez naissance à ces bâtiments, vous vous dites leur mort est inéluctable, il vaut mieux les aimer avec cette... ruine inévitable, ou vous voudriez qu'il dure le plus longtemps possible? Mais écoutez, il y a des bâtiments qui durent très longtemps. On a vu ça avec les églises, quand même, en particulier chez nous. Les églises romanes, ça fait un certain temps, quand même, déjà. Donc il y a des bâtiments qui peuvent durer avec une fonction, c'est très rare, mais les grands bâtiments publics ont souvent une durée de vie très très longue, parce que ce sont des investissements très lourds, et puis et parce qu'après aussi ils se chargent d'une histoire qu'ils ont contenue. Donc après c'est un jugement au coup par coup. Mais je pense que la sédimentation historique est très importante, qu'on garde toujours dans la ville le souvenir des différentes couches, des différentes strates, des différentes générations qui ont construit avant. C'est ça qui donne ce livre de pierre, c'est ça qui donne ce côté muséal, musée naturel et ouvert qu'est la ville, et je pense que Paris ferait bien de s'en souvenir. Pourquoi dites-vous ça ? Parce qu'on construit n'importe quoi en ce moment, en grande partie. N'importe quoi, vous pensez à quoi ? Ben, je pense à la plupart des bâtiments qui se construisent aujourd'hui en termes de logement. Je pense à l'urbanisme parisien depuis 20 ans. Je pense à Seine-Rive-Gauche, je pense aux Batignolles, je pense à tous ces bâtiments qui sont là même. Je pense même à ce qui s'est fait avant, je pense même au 13e, je pense même à tous ces bâtiments parallépipédiques qui sont arrivés dans Paris, qui n'ont rien à voir, mais rien à voir avec tout ce qu'il y avait précédemment. Donc il n'y a pas le respect et la conscience d'être sur un territoire sacré, sur un territoire marqué par l'histoire de cette façon, sur un territoire tracé, avec des perspectives. Maintenant, tout est en petits morceaux, tout est morcelé, comme une maladie. Tous les petits immeubles arrivent sans qu'il y ait une rue, sans qu'il y ait un axe, sans qu'il y ait une perspective, sans qu'il y ait rien. Bon, c'est une histoire de fou, quoi. Ça veut dire que l'architecte est toujours aussi un peu urbaniste ? Mais c'est là que ça se passe, le problème, aujourd'hui. C'est-à-dire que l'architecte, pour moi, tout ce qu'on appelle aujourd'hui urbanisme, c'est un urbanisme qui a mal vieilli, comme d'autres. Mais l'urbanisme, c'est pas de l'urbanisme. C'est pas quelque chose qui est en relation avec l'aménagement de l'espace et une vision de l'évolution de la ville. C'est simplement un système technocratique qui permet de mettre le nombre de terrains qui sont à construire le plus vite possible en activité, mais il n'y a plus de relation entre la morphologie et l'urbanisme. Donc c'est ce qui s'est passé avec la Défense déjà, où on a fait une collection de tours. Et pour moi, tout ce qui s'appelle aujourd'hui urbanisme, ça doit être de l'architecture à grande échelle. C'est-à-dire que l'espace entre deux immeubles, c'est de l'architecture. L'espace public, c'est de l'architecture. Une perspective, c'est de l'architecture. Donc c'est pas uniquement du zoning, c'est pas uniquement des gabarits sur du morcellement. Non, c'est une vision qu'il faut. Une ville, ça se pense d'abord. Si on pense pas la ville d'abord, elle pensera pour vous et elle pensera pas automatiquement bien. Eh ben, je serais curieuse de savoir ce que vous pensez de cette vision. On conserve à la gare de l'Est actuelle. Le terminal Charles de Gaulle Express qui va y arriver, c'est 25 000 voyageurs par jour. Et le reste. Donc on conserve les bâtiments, le bâtiment est classé, on n'y touche pas. Bah, bon, regardez, de centre commercial. Il y a une gare qui était. Mais arrêtons les caricatures. Bon. Et on déménage. Oui. Vous avez 28 voies aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas augmenter le nombre de voies dans Paris pour absorber les futurs flux de voyageurs. Et donc qu'est-ce qu'on fait ? On se pose la question de se dire, est-ce qu'il y a un endroit où on peut avoir plus de voies pour absorber les flux futurs ? Il y en a un. Qui est à la Villette, à la porte de la Villette, qui est sur l'emprise foncière parisienne. Il y en a potentiellement un qui peut être plus métropolitain. Qu'est-ce que ça permet ? Trois choses. Un, tout le monde a le Grand Paris à la bouche, matin, midi et soir. Il faut élargir Paris, il faut penser aux voisins, etc. Qu'est-ce qu'on fait en faisant ça ? On élargit le cœur de Paris. On crée la première gare métropolitaine. Et on le fait à une dimension européenne, parce que ça absorbera les flux de voyageurs européens. Et plutôt que de, en récupérant ces 30 hectares de voies ferrées, je suis sûr que Jean-Louis Missica, l'adjoint à l'urbanisme de Madame Hidalgo, aurait adoré faire des grands projets, construire du logement, des bureaux, des commerces. Moi, je dis, on offre à la génération qui vient un parc dans le nord-est parisien, dans les quartiers les plus populaires de Paris. 30 hectares. On fait que cette ville enfin respire et enfin donne une dimension réelle à la métropole. Métropole, tout le monde en parle, mais personne ne le fait. Jean Nouvel, on entend une vision de Paris présentée par Benjamin Griveaux, candidat au municipal qui aura des élections lieu dans peu de temps, au micro de Bourdin. Des études sur le Grand Paris qui avaient été faites à l'époque du grand concours, de la grande consultation. Le déplacement des gares a toujours été une stratégie. Une stratégie visant à quoi ? Visant en général à mettre des immeubles pour bien valoriser tout ça. C'est ce qui se passe pour le Grand Paris actuellement, avec toute une série de gares qui font que la ville se fait automatiquement comme ça, une fois encore. Donc là, ce que je retiens surtout de la gare du Nord actuellement. Donc l'idée, c'est de déménager la gare de l'Est, en l'occurrence, et aussi la gare du Nord, mais la gare de l'Est au port de la capitale, ou en banlieue, pour créer un Central Park, dit-il, 30 hectares de verdure. J'ai compris très bien. Mais je pense que tout ça, ça se met dans une stratégie générale. Mais là, je crois que la stratégie, pour le moment, elle n'est pas là. Cette stratégie, on a vu ce qui s'est passé aussi de l'autre côté, à la gare du Nord, puisque le Itorf, là, qui est là, le bâtiment superbe, ils sont allés programmer un bâtiment de 60 000 mètres carrés de commerce, de 300 mètres de long, qui jouxte les voies. Bon, Paris ne peut pas absorber des choses comme ça. Pour détruire Paris, c'est exactement ce qu'il faut faire, quoi. Prendre des bâtiments et puis à côté construire des monstres qui sont à portée de main. Donc je crois qu'il n'y a pas de vision politique actuellement à ce niveau-là, et je crois que ce qu'il évoque là est une chose assez irréaliste pour le moment. C'est ça, parce que le problème n'est pas tellement de déménager les gares, c'est de savoir ce qu'on y met à la place, c'est ça? Mais ça dépend de quelle est la politique urbaine générale, un tout petit peu, oui. Et vous avez une politique urbaine concernant Paris? Légèrement, oui. Vous pouvez nous expliquer? Oula, je crois que ça... Rapidement. On en parle beaucoup en ce moment, donc c'est plutôt intéressant d'avoir votre avis. Moi, j'ai effectivement des positions urbaines assez marquées. Je crois en particulier qu'il faut stopper l'étalement urbain et qu'il faut développer en limite de la ville à chaque fois des parcs linéaires, des cultures, de l'agriculture, des jardins privés. Je crois que on doit aussi penser à l'évolution du Grand Paris, mais le Grand Paris, c'est pas le moyen Paris comme aujourd'hui, c'est-à-dire ça prend toute l'agglomération. Et je pense qu'il faut penser à cette évolution-là en termes stratégiques et de circulation sur une théorie qui est celle des archipels, c'est-à-dire que on prend des communes ensemble qui se développent autour d'espaces intéressants, ça peut être pour les parcs d'ailleurs, effectivement, comme la Courneuve ou autre, et on organise à ce moment-là un système mobile et pas automobile, qui permet de se dispenser des automobiles, justement, et qui est un anneau, comme ça, qui tourne autour de ce grand espace et qui permet d'avoir à chaque fois des îles comme ça qui fonctionnent de façon autonome, qui sont liées entre elles de façon très très directe, et ça change complètement toute la circulation et ça allège totalement toute la circulation par rapport au centre principal qu'est Paris et par rapport à la facilité de passer d'un point à un autre. Donc ça c'est une proposition assez nette qui à mon avis n'a pas encore touché son but. Vous voulez vous présenter au municipal? Oui, un point de vue au municipal. Pourquoi pas? C'est une autre question. C'était quelque chose qui avait à voir quand même avec les ruines, parce que ce sont des ruines. Et on a toujours l'impression, devant ces temples, qu'il y a une barrière entre nous et les hommes qui les ont construits. Une barrière qui est peut-être... Plus apparente, mais pas plus réelle que devant les monuments du passé que nous pouvons avoir sous les yeux en Europe. Mais là, à cause du côté peut-être ruiné, puis à cause de... Enfin, on est devant un mur infranchissable. Et puis, brusquement, cette architecture qui est là et qui se met à vivre. Et alors, cette barrière n'existe plus. C'est une vie qui est toujours présente et que nous recréons en regardant, en vivant pour notre propre compte, ces œuvres qui restent encore proposées à notre regard. Pierre Soulages, au micro toujours de France Culture, c'était... Et oui, c'est Pierre Soulages, votre ami Pierre Soulages, n'est-ce pas? Oui, Jean Nouvel. C'était en 1970, peut-être que sa voix a changé depuis, enfin même c'est sûr. Et il évoque ici dans cet extrait les temples mayas qui vivent parce que nous les recréons en les regardant. D'accord. C'est bien qu'on se demande si finalement l'architecture n'est pas autant dans l'esprit de l'architecte que dans le regard de celui qui la contemple. Mais ça dépend de ce qui est construit, déjà, si ça correspond exactement à la volonté de l'architecte. Mais normalement, une architecture est quand même dans le regard aussi de celui qui la vit et qui la contemple. Il reste à savoir si le projet est celui de l'architecte, c'est pas souvent le cas. Oui, du point de vue de l'architecte, moi je vous demande plutôt du point de vue de celui qui regarde. Oui, mais c'est vrai. Parce qu'il y a une grande différence entre, parce que là on entend Soulages, qui lui est peintre, il y a une grande différence entre le projet artistique délivré par un peintre, enfin produit par un peintre, et celui proposé par un architecte. Dans quelle mesure est-ce que le tableau qui se doit d'abord d'être un projet artistique, avant même d'être beau, peut-il ressembler à la maison produite par l'architecte? La maison, le bâtiment est quand même fait pour être habité, il y a une fonction, c'est un art utile, c'est une grande différence avec le reste de la production artistique. C'est fondamental. C'est-à-dire que un artiste, même un écrivain, il est seul face à son papier, il fait ce qu'il veut, c'est pas un problème. Nous, on est dans un territoire. Et ce territoire où c'est la nature, où c'est une ville qui existe, on travaille pour quelqu'un qui va y vivre, ou pour des personnes qui vont y vivre. Donc, on part de là. Ça ne nous empêche pas de créer un art qui pourrait être normalement le plus proche du public, justement. L'architecture est un art, on l'oublie de plus en plus quand même. C'est un art pour vous, oui, vous êtes un artiste. Je ne sais pas moi qui peut le décréter, mais normalement les bons architectes sont des artistes. Voilà. Mais il est absolument indispensable que l'architecture renaisse, je dirais, et qu'on retrouve, il faut reconquérir le droit d'architecturer. Actuellement, il a été perdu avec ce système de fabrication urbaine. L'architecture contemporaine est définifiée, je dirais. C'est-à-dire que tout ce qui se fait à partir de mauvais plans urbains, dans cette prolifération et dans ce désordre, c'est quelque chose qui nuit beaucoup à l'architecture. Et surtout, c'est pour les architectes, c'est pas très grave. C'est pour ceux qui vont vivre la ville. Là, il y a un manque à vivre, un manque de plaisir qui est programmé pratiquement. Le point commun que vous avez avec Soulages, même si vos disciplines sont différentes, c'est l'importance accordée à la lumière. Soulages ne cesse de répéter que le noir est la couleur la plus lumineuse. Et j'observe aujourd'hui d'ailleurs ce que vous portez, blouson en cuir noir. J'ai la même couleur que Pierre. Voilà, c'est ça, vous portez ce noir-là. Et dans vos bâtiments, c'est aussi cette même importance accordée à la lumière qui... Alors, on a parlé de l'Institut du Monde Arabe, on peut aussi parler du Louvre à Abu Dhabi, comme si l'importance de la lumière n'était pas simplement symbolique, mais au contraire, était là pour figurer qu'un bâtiment ne se vit pas de la même façon selon l'heure de la journée à laquelle nous le pénétrons ou nous y sommes. Abu Dhabi, c'est un jeu sur l'émotion. C'est un jeu sur la lumière, effectivement, mais surtout sur la conscience que finalement, le soleil tourne. Et que le bâtiment, lui, il est fixe. Vous arrivez à le décrire, le bâtiment, pour ceux qui ne l'ont pas en tête? Oui, je peux le décrire. C'est le long de la mer face à Abu Dhabi, un peu moderne qui est en face, et c'est une île, et il y a une très très longue plage sur laquelle vont se construire différents musées. Et ce bâtiment-là, ce musée-là, il fait référence à des archétypes de leur culture. D'abord à la ville arabe, en ce sens que la plupart des salles sont des salles qui se lisent comme des maisons, comme des immeubles. Et il y a un microclimat qui est créé par un dôme blanc, le dôme blanc aussi pour le symbole de la spiritualité, de 180 mètres de diamètre, qui vient couvrir l'essentiel du musée qui est en dessous, et l'eau en même temps rentre là-dessous, et donc on crée en même temps un microclimat. Ce microclimat permet de pouvoir aller se promener de jour et le soir. Et ce qu'on lit là, en tous les cas, c'est un jeu de géométrie et de lumière qui est basé en fait sur une trouvaille qui fait que le dôme lui-même est perforé. C'est pas le premier à faire un dôme perforé, le Panthéon c'était perforé aussi. Mais bon, là c'est perforé un peu partout. Et en fait, c'est pas une coupole plus un dôme, c'est huit composants. Quatre coupoles et quatre dômes qui sont feuilletés, ce qui veut dire que quand un rayon de soleil passe, il faut qu'il trouve son chemin au milieu de tout ça. Donc en fait, il y a une pluie de lumière qui vient imprimer les constructions qui sont en dessous et le sol et l'eau qui est en dessous, et vous sentez, si vous restez une minute à regarder ça, que certaines taches de lumière se réduisent, que d'autres apparaissent, que d'autres disparaissent. C'est ce qu'on appelle la pluie de lumière. Et là, donc, il y a un trouble qui s'installe. Et ce trouble, en fait, il est fabriqué par des choses comme ça. Donc, si on parle de beauté, Ça, c'est la recherche d'une forme de beauté. Alors comment vous définissez la beauté ? Je dis que la beauté est une allusion. C'est une allusion à l'âme de chacun. Elle va toucher l'âme de chacun. Elle va effleurer cette âme. Elle va la titiller. La beauté est une extériorisation de l'âme de son créateur. Par essence, l'âme est enfermée. Selon Pessoa, elle a besoin de se créer de temps en temps un extérieur pour séduire d'autres âmes. Et une âme séductrice se sert de tous les moyens sans les révéler. Cette âme vient de l'espace intime et s'évade vers l'infini ou vers l'oubli. Elle est un mystère qui le restera. Mais la beauté, c'est aussi un appel à l'introspection. Elle peut devenir invasive et est l'objet de toutes les conversations subversives. La beauté est une question sans limite, la cause d'innombrables recherches inavouées. La beauté est ou n'est pas, elle n'est pas asymptotique, elle n'est pas améliorable, elle est inscrite dans le marbre, elle peut être éclatante, elle peut être éternelle, inscrite dans la chair, elle est émouvante et éphémère. Qui dit beauté dit émotion dans toutes les disciplines. La mienne, c'est architecture. Voilà. Vous avez écrit ce texte pour la mission. Voilà, j'ai écrit ça pour vous. Bah, je vous remercie, mais ça veut dire que vous êtes un lecteur de Pessoa ? Oui, c'est mon livre de chevet. C'est vrai ? Oui. Vous voulez qu'on en écoute un extrait ? Le livre de l'intranquillité, oui, pour y aller, oui. Eh bien, le voici, lu par Nicole Garcia. C'est un livre qu'on ouvre à n'importe quelle page. Bah, on ouvre exactement à n'importe quelle page, oui. Page 534 dans l'édition Christian Bourgois. L'horloge qui est là derrière, dans la maison déserte, parce que tout le monde dort, graine lentement le quadruple son argentin qui sonne 4 heures au creux de la nuit. Je n'ai pas les yeux complètement fermés. Ma vue faible est ourlée d'une lumière qui me vient de loin. Ce sont les réverbères allumés là en bas, aux confins abandonnés de la rue. Cesser, dormir, remplacer cette question intervallaire par des choses meilleures, mélancoliques, et dites en secret à qui ne me connaîtrait pas. Cesser, couler, passer fluide et riverain, flux et reflux d'une vaste mer, le long des côtes dans une nuit où l'on dormirait vraiment. Cesser. Exister incognito et extérieur. Être le mouvement des branches dans une allée écartée. Une chute de feuilles légère, plus devinée que perçue. Haute mer de lointains et fins jets d'eau. Et tout l'indéfini des parcs dans la nuit. Perdu dans les entrelacs sans fin, labyrinthe naturel dans les ténèbres. En finir. Cesser d'être enfin, mais avec une survie métaphorique. À être la page d'un livre, une mèche d'une chevelure dénouée, l'oscillation d'une vigne vierge sous une fenêtre entr'ouverte, les pas sans importance sur le menu gravier du tournant, la dernière haute fumée du village qui s'endort, le fouet du charretier oublié au bord matinal de la route. L'absurde, le désordre, l'anéantissement. Tout, sauf la vie. Et je dors, à ma façon, sans sommeil ni repos, cette vie végétative des suppositions. Et sous mes paupières insomniaques, flotte, comme l'écume paisible d'une mer sale, un reflet lointain de réverbères muets de la rue. Chemin de la philosophie, Adèle Van Rett. Qu'est-ce qui vous plaît autant chez Pessoa, Jean Nouvel ? C'est qu'à partir de rien, il se passe tout. C'est une bonne définition du travail de Pessoa. Mais c'est vrai, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'événement. Il n'y a jamais un événement. Il y a son monde intérieur. D'ailleurs, il y a plusieurs formes de beauté, évidemment, mais j'aime beaucoup... Je suis souvent gêné par les scénarios, par exemple, moi, dans les romans et dans les films. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des scénarios formidables à certains moments qui sont eux-mêmes des œuvres d'art. Mais je trouve que dès qu'on décante, dès qu'on se retrouve dans l'écriture même, dès qu'on se retrouve dans l'introspection, il y a des choses beaucoup plus émouvantes qui se passent, beaucoup plus fortes. C'est paradoxal pour un architecte qui ne peut créer qu'à travers nombreuses médiations et de constructions pour arriver au résultat final. Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre, je crois. Et je crois que cette dimension métaphysique, il faut la remettre dans l'architecture, évidemment. Il faut la provoquer. Et quelque chose comme le Louvre à Abu Dhabi cherche ça, évidemment. Un effet comme celui-là est un effet qui est difficile à percevoir, d'abord, à comprendre. On ne demande pas de comprendre, d'ailleurs. Mais c'est un peu comme à la Fondation Cartier, c'est-à-dire que le fait que ces grands verres soient là, ces trois plans de verre, et le fait qu'à certains moments, on est les reflets des arbres sur les arbres et les reflets des nuages sur les nuages. Ça crée un peu le même genre de trouble. C'est pas les mêmes, mais les gens ne ils savent pas pourquoi. Mais cette superposition-là et ce lent mouvement-là, c'est quelque chose qui est de nature à perturber la sensation et à l'approfondir. C'est comme si ce que produit l'architecture était ce qui manque à Pessoa, enfin au narrateur du livre de l'intranquillité, cette expérience dont vous parlez. Oui, mais je pense qu'il aurait écrit quelque chose là-dessus. L'intranquillité qui est la sienne et qui lui fait vouloir fuir la vie, finalement, sans doute, elle se dissout, enfin, visez-vous à la dissoudre en proposant des bâtiments qui vous font vivre une expérience ou qui font vivre une expérience aussi forte qu'elle nous, au contraire, elle fait basculer du côté de la vie. Oui. On essaye ça. Vous êtes intranquille ? Je suis très tranquille avec Pessoa. C'est Pessoa qui vous rend tranquille. Voilà. Je vous l'ai promis, on en a parlé. Je vous propose que, juste avant de se quitter, on écoute quelques secondes de la voix de Paul Virilio. Ah, très bien. L'architecture, c'est un moment de la géométrie. Un moment encore informulé. Encore très peu formulé. Jusqu'ici, l'architecture a fait partie des arts plastiques. La géométrie a été considérée d'une manière très élémentaire. Alors que tout d'un coup, c'est l'architecture qui devient la géométrie. C'est la façon d'habiter qui devient une partie de la géométrie, une partie très importante. Je crois que notre définition est bien celle-là. L'architecture n'est pas un art, c'est un moment de la géométrie. Comme on dit, un moment de la pensée philosophique. C'est une conquête de l'espace, conquête mentale de l'espace. C'est en ce sens-là que je parle de géométrie. C'est pas au niveau de géométrie descriptive ou analytique. Aujourd'hui, la géométrie prend son essor avec la conquête de l'espace physique. Donc l'architecture devient ce moyen de conquérir l'espace. Donc c'est une géométrie. L'architecture est une géométrie, Jean Nouvel ? L'architecture est une géométrie, mais c'est un... Le pôle est toujours dans les paradoxes. Paul Virilio, oui. Oui, toujours. Et il décrit une forme de pensée qui est plus dans ses rêves que dans la réalité automatiquement. Il est toujours à la frontière du futur. Il est toujours en train de se demander ce qui apparaît, quel est le sens de ce qui apparaît, ce que ça voudra dire. Et en général, dans un sens apocalyptique quand même. Mais c'est un des premiers à avoir pensé notamment l'accélération du rythme dans lequel nous vivons, penseur de la vitesse. Il a pensé beaucoup de choses dans les autres, oui. Ouais. Il vous a beaucoup nourri ? Bien sûr. Entre Baudrillard et Virilio, et Gilles Deleuze, ce sont des personnes qui ont contribué à faire de ce que vous êtes aujourd'hui dans votre travail. Oui. Oui, qui ont influé sur mon travail. Deleuze, je ne le connaissais pas personnellement, mais oui. Donc bâtisseur de concepts, c'est l'expression qui vous va le mieux ? Et ça va très bien. Merci Jean Nouvel d'être venu nous parler ce matin. Merci. À ce micro. On se quitte avec tout ce que vous détestez, les HLM, chantés par Renaud. Dans mon HLM, y a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Passe ses nuits dans les caves avec son Beretta, traque les mots qui chouravent l'opinard aux bourgeois. Il se recrée l'Indochine dans sa petite vie de peine cul. Sa femme sort pas de la cuisine, sinon il cogne dessus. Il est tellement givré que même dans la Légion,

Jusqu'ici, je vous aurais dit, mais bien sûr qu'il faut s'engager. C'est bien l'engagement, il faut défendre des causes, avoir des partis pris, des points de vue, une certaine idée du bien et du mal. Je serais même allée jusqu'à pointer le manque cruel dans certains essais d'engagement, tout à fait capable de me dire ce qui va mal, tout à fait capable de promouvoir le dialogue, la délibération, l'égalité dans la diversité, mais de manière vague, abstraite, pas assez engagée justement, pas assez courageuse. En plus élaborée, je vous aurais cité Sartre, je vous aurais parlé de ce double sens de l'engagement chez lui, cette idée que tout homme est de fait engagé dans le monde, mais qu'il a aussi à s'y engager délibérément pour le modifier. Mais aujourd'hui, je dois dire que je ne comprends plus ce que ça veut dire. Comment faire quand on n'a pas de point de vue sur le monde, quand on ne sait plus ce qui est vraiment bien ou mal, quand on sait aussi que l'on est pris dans une époque et que ce qui vaut à un moment donné sera condamné à un autre. Écouter un enfant, l'entendre parler, l'entendre expliquer quels ont été effectivement ses rapports avec quelqu'un, adulte ou pas, etc., doit pouvoir faire comprendre, pourvu qu'on l'écoute avec suffisamment de sympathie et surtout en lui faisant suffisamment crédit, doit permettre d'établir à peu près quel a été le régime de violence ou de consentement auquel il a été soumis. Et aller supposer que du moment qu'il est un enfant, il ne peut pas expliquer ce qu'il en est, que du moment qu'il est un enfant, il ne peut pas être consentant, il y a là deux abus qui sont très, je crois, intolérables. Il y a quelques semaines, l'affaire Gabriel Maznev a révélé l'indifférence, ou pire, la défense de la pédophilie par des intellectuels français dans les années 70 notamment. Un article publié sur le site de France Culture rappelait qu'en 1977, deux tribunes étaient parues pour décriminaliser les rapports sexuels entre adultes et mineurs de moins de 15 ans. Parmi les signataires, Foucault, que l'on vient d'entendre, mais aussi Beauvoir, Barthes, Derrida, Dolto et encore lui, Sartre. Comment ont-ils pu signer ça? Quelle idée se faisait-il d'un enfant, du consentement, de l'emprise d'un adulte? En découvrant ça, l'idée que je me faisais de l'engagement en a pris un coup. Les philosophes se trompent, ce n'est pas le problème. Descartes pensait par exemple que la glande pinéale était le siège de l'âme. Mais personne ne s'en est trouvé offensé. Le problème est donc bien celui de l'engagement qui suppose par définition qu'on aille plus loin, plus complètement que sa propre pensée. Qu'on s'engage donc, qu'on prenne part, qu'on s'inscrive au nom de sa pensée dans l'espace public, qu'on prenne le risque non pas de l'erreur mais de la faute. Mais pourquoi faire ça? Pourquoi vouloir utiliser sa pensée? Pourquoi vouloir l'éprouver, la frotter au réel? Est-ce la preuve de sa validité? Est-on plus fort, plus honorable quand on s'engage que quand on ne fait que penser? Je n'ai jamais parlé à propos de Macron, de fascisme, ni de près ni de loin. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il est lui aussi un symptôme de la dérégulation en cours du système politique parlementaire, qui a beaucoup de causes, mais qui, entre autres, a la soumission nécessaire des décisions politiques prises dans le cadre national à des impératifs qui sont ceux du capitalisme international. Entre le risque de la faute et la mollesse qui ne dit rien, que reste-t-il alors de l'engagement? Des analyses de l'état actuel? Une esquisse d'une autre pensée possible comme le fait Alain Badiou ici et dans son livre sur Trump? Pourquoi pas? Au fond, je dois dire que je ne sais pas. Je n'attends pas d'un philosophe qu'il me dise quoi penser d'un fait d'actualité ou qu'il me fasse un programme de présidentiable. Ce qu'il devrait faire, je n'en sais rien. Alors, peut-être ne doit-il rien faire, justement. Car l'engagement, comme le pensait Sartre, n'a peut-être rien à voir avec le devoir ou la nécessité. C'est peut-être juste une option et pas une obligation. Merci Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Et merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, Isis Jourda en compagnie de Manon de la Selle, Jules Barbier, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Thomas Bouc qui réalise cette semaine à la prise de son. Aujourd'hui, c'était Marie-Claire Oumabadi. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur l'architecture. Demain, nous serons en compagnie de Céline Bonico-Donato qui viendra vous parler de la pensée qu'Heidegger propose de l'art de bâtir, d'habiter et de l'architecture en particulier. Ce sera demain à 10h. D'ici là, pour réécouter cette émission en compagnie de l'architecte Jean Nouvel, c'est facile, vous vous rendez sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter l'émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez, quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, où l'équipe des Chemins de la Philosophie attend vos remarques et vos commentaires. À demain, 10h donc. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.